franceinter.fr. Ils ont eu un petit coup de mou en novembre, mais c'est peut-être ça qui va leur donner la force pour ce tournoi. Les Écossais, l'an dernier, ont produit beaucoup, beaucoup de jeux et c'était un match très difficile là-bas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est assez homogène et que n'importe quelle équipe peut faire de grosses performances. Donc, faut pas faire un focus sur que les Anglais, mais se méfier de tout le monde. On verra demain. Maxime Mermoz avec Patrick Rivaz. Voilà qui met un terme à cette édition. On va se quitter bien sûr avec la météo. Et je vous retrouve à 19h. Je vous souhaite un excellent après-midi. Merci Philippe Habitboul pour ce journal. Et tout de suite, comme vous l'avez dit, les prévisions météo de Jacques Kessler de Météo France. La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, éco-conçues, fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com. Mistral et Tramontane vont souffler violemment. À partir de ce soir, une vigilance orange est annoncée sur le département des Bouches-du-Rhône, rafale de 120 km à l'heure. Par ailleurs, 6 départements en vigilance de crue autour des Vosges et du Morvan. Fréquentes averses cet après-midi, des Pyrénées au Massif central, Rhône-Alpes, la Franche-Comté et l'Alsace, possible mais plus rare dans les autres régions. Neige à basse altitude, 300 mètres en fin de journée. Température proche de la normale, mais partout en baisse par rapport à hier. Il fera entre 5 degrés à Rouen, Nancy, Besançon et 13 à Nice, 15 à Bastia. 6 degrés prévus à Clermont-Ferrand au lieu de 16 hier après-midi, ce sera la baisse la plus importante. Demain, température matinale en baisse, souvent voisine du zéro. Quelques flocons des Pyrénées au Massif central, Rhône-Alpes et les régions de l'Est. L'après-midi, toujours des flocons possibles jusqu'en plaine de la Bourgogne aux frontières de l'Allemagne et du Luxembourg. Dans le nord et l'ouest du pays, le temps deviendra humide. L'après-midi, quelques gouttes. Des averses sur la Corse, neige à 500 mètres. Soleil des Alpes du Sud au rivage méditerranéen. Le vent restera violent autour du golfe du Lion. Par tous les temps, votre épargne est à l'abri au Crédit Mutuel. Et oui, le Crédit Mutuel appartient à ses clients sociétaires. Et ça, ça change tout. Dans le cadre de la carte blanche à François Morel, France Inter et La Pépinière présentent Instant Critique. Mise en scène et adaptée par François Morel. Avec Olivier Broche, Olivier Saladin et Lucrèce Sacella, autour des voix légendaires de Jean-Louis Borry et Georges Charansol, du Masque et la Plume. Chassons le public des salles de cinéma! Vous n'aimez que les films qui font 3000 entrées! Moi, j'aime les films qui font 1 million d'entrées quand ils sont bons! Retrouvez Instant Critique, actuellement à La Pépinière, dans les émissions de France Inter. C'est une fleur dans mon jardin. Et sur franceinter.fr. Good evening. France Inter présente Hitchcock, un film de Sacha Gervasi. I'm just a man hiding in the corner with a camera, watching. Avec Anthony Hopkins, Hitchcock ou comment le maître du suspense s'est battu pour imposer Psychose à Hollywood. Married to a man obsessed by murder. The great and glorious Alfred Hitchcock. Avec Hélène Mirren et Scarlett Johansson au cinéma le 6 février. Retrouvez Sacha Gervasi demain à 14h dans Cosmopolitan. Tout de suite, rendez-vous avec X, présenté par Patrick Pénaud aujourd'hui, le djihad dans les Balkans. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. La petite Bosnie a-t-elle été dans les années 90 un creuset de terroristes ? La semaine passée, M. X, racontant la sanglante aventure du gang islamiste de Roubaix, répondait par l'affirmative. En accueillant des combattants musulmans venus les soutenir dans leur guerre contre les Serbes, les dirigeants de l'ex-République yougoslave auraient contribué, volontairement ou pas, à faire de leur pays un camp d'entraînement pour les islamistes les plus radicaux. Il faut en effet savoir que la Bosnie multiethnique, agressée par des troupes serbes bien équipées, menacée de perdre sa fragile indépendance, a fait feu de tout bois pour se défendre. Ses chefs ont donc accepté de créer une brigade musulmane intégrée dans leur armée et formée uniquement de bosniaques. Puis, une brigade El-Mujahideen où ont été regroupés des combattants issus de tout le monde musulman, à l'image de ce qu'il s'était passé quelques années plus tôt en Afghanistan lorsque les maquis de Mujahideen avaient vu affluer des musulmans venus à leur côté affronter l'armée rouge, avec le soutien des services secrets pakistanais, saoudiens et occidentaux. On connaît la suite. Les soviétiques sont partis, mais Al-Qaïda est resté. Alors, qu'en a-t-il été en Bosnie-Herzégovine? La comparaison est-elle pertinente et existe-t-il aujourd'hui un danger salafiste en Bosnie et donc au cœur de l'Europe? Réponse de M. X dans un instant. L'image est terrible. Sur un terrain, des jeunes gens jouent au football. Mais soudain, on découvre que la balle est en réalité une tête humaine. La tête d'un homme qu'ils viennent juste de décapiter. Ces joueurs sont des membres de la brigade Ed Mujahideen, qui combat les troupes serbes aux côtés de l'armée bosniaque. Et le pire est qu'il ne s'agit pas d'une image volée, non. Ce sont d'autres soldats de la brigade qui ont filmé cet épouvantable match de football. Et pourquoi alors? Pour terroriser leurs ennemis? C'est possible. Non. Ça veut dire en tout cas que ces hommes assumaient parfaitement la violence dont ils faisaient un usage systématique. Attention, je ne veux pas lancer l'anathème sur tous ces combattants musulmans qui se sont battus courageusement et l'ont souvent payé de leur vie. Mais il est quand même difficile de ne pas être saisi d'horreur devant une telle scène. Surtout quand il faut s'étonner que de tels actes n'aient pas été condamnés par le pouvoir politique. Alors, on fermait les yeux. Bah oui, c'est malheureusement la vérité. L'attitude des dirigeants musulmans de Bosnie a été trop souvent ambiguë. Je ne veux pas vous faire un cours d'histoire, mais je crois qu'il est important de voir de plus près le fait musulman en Bosnie. C'est un héritage de l'occupation ottomane. Hein, bien sûr, bien sûr. L'islam est enraciné là-bas depuis 6 siècles. Si j'ose dire, c'est un islam à la turque, plutôt tolérant. Et cette modération s'explique par le fait que les musulmans bosniaques, qui sont des slaves islamisés, ont toujours vécu à côté des populations non musulmanes. Des croates. Oui, généralement catholiques. Et puis des serbes. Alors eux, plutôt orthodoxes. En outre, il faut tenir compte du titisme. Tito, qui a régné presque 40 ans sur une Yougoslavie fédérale, a veillé à assurer la paix entre les diverses ethnies yougoslaves, quitte parfois à jouer les nationalités les unes contre les autres. Et ici, il faut tout de suite faire une observation. En Bosnie, le mot musulman, avec un M majuscule, désigne un membre de la communauté nationale musulmane, Tandis que le mot, avec une minuscule, a seulement une connotation religieuse. Ah oui, alors il y a donc en Bosnie des musulmans, des croates et des serbes. Ah oui, c'est tout à fait ça. Enfin, remontons un petit peu dans le temps. Bon, pas très loin, rassurez-vous. En 1920, dans le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, il n'est fait nulle mention de la nationalité musulmane. Et les représentants de ces élites musulmanes traditionnelles, tout en créant une organisation musulmane yougoslave, renoncent à tout projet national propre pour éviter de se mêler à l'affrontement des nationalismes serbes et croates. Ah, c'est une attitude plutôt prudente. Hein. Et pourtant, en 1936, on voit apparaître une fondation, la Voie droite, très influencée par les mouvements islamistes qui sont nés au Caire, dont les frères musulmans. Un peu plus tard, en 1939, on assiste à un partage territorial de la Bosnie-Herzégovine entre Serbes et Croates. Mais les musulmans font les frais de cette partition. Cette absence de reconnaissance suscite la création des premiers cercles pan-islamiques et de l'Association des jeunes musulmans, inspirée par les frères musulmans égyptiens. Parmi ses membres, un homme qui fera parler de lui plus tard, Alija Izetbegović. Ouais, c'est le futur président bosniaque. Hein. Pendant la Seconde Guerre mondiale et sous l'occupation nazie, certains de ces jeunes gens rejoignent la division SS Sandjar, le poignard, levé parmi les musulmans bosniaques par le mufti de Jérusalem, Hal Husseini. Par contre, d'autres rallieront le mouvement des partisans dirigé par Tito, secrétaire général du Parti communiste, et se battront tour à tour contre les milices tchétniques, les Serbes, ou Ustachi, les Croates, non sans une certaine férocité. Justement, alors, que se passe-t-il à la fin de la guerre et à la prise du pouvoir par le communiste Tito ? Eh bien, l'association des jeunes musulmans est démantelée, parce qu'elle est un obstacle au centralisme politique et culturel dans lequel Tito veut fondre toutes les composantes du pays. Ouais, afin de fabriquer de toutes pièces des Yougoslaves. Donc, dans un premier temps, il faut oublier les nations. Mais dès les années 60, on note une certaine détente. Le recensement de 1961 fait apparaître la dénomination distincte de musulmans avec un M majuscule. Au sens ethnique, donc. Et ça se confirme à la fin de la décennie. On parle maintenant ouvertement de nationalité musulmane. Et il apparaît que les musulmans composent le premier groupe démographique de la République de Bosnie. Ce n'est pas fait pour mécontenter Tito, qui fait de la Yougoslavie la tête de pont du mouvement des pays non alignés. Oui, où figurent de nombreux pays musulmans. Hein. Il reste que la seule institution autonome qui regroupe des musulmans est la communauté islamique. Une organisation religieuse ? Oui, une assemblée d'oulémas autorisée par le pouvoir. Et c'est en son sein qu'on voit renaître le courant pan-islamiste qui a été réprimé à la fin des années 40. On y retrouve Izetbegović, qui a rédigé une déclaration islamique et qui circule sous le menton. Que peut-on y lire, là ? Le futur président prône l'islamisation des musulmans. Notre devise, écrit-il, est de croire et de combattre. Bah, ça a le mérite d'être clair. Hein. Et c'est dans le fil droit du programme des frères musulmans égyptiens. Oui. Et ça vaut à Izetbegović de subir les foudres du pouvoir. En 1983, lui et 13 autres de ses amis sont emprisonnés et accusés de fondamentalisme islamique. En 83, oui, Tito est mort 3 années plus tôt. Hein. Et en Iran, on a assisté à la révolution des ayatollahs, avec tous ses excès. Ça explique la sévérité de Belgrade, d'autant que la plupart des inculpés revenaient tout juste d'Iran. Izetbegović est-il lui-même influencé par cette révolution islamique ? Incontestablement, quoi qu'il en soit. En 1990, alors que la fédération yougoslave est en train d'imploser, Izetbegović crée son parti, le SDA. SDA, ce qui signifie ? Parti de l'action démocratique. Izetbegović aurait voulu l'appeler parti musulman, mais Belgrade le lui a refusé. Et ce SDA, là, est-il un parti religieux ? Non, il est d'abord nationaliste. Ses dirigeants plaident pour la réaffirmation de la souveraineté politique de la nation musulmane. Mais on est toujours dans l'ambiguïté, compte tenu des deux acceptions du mot « musulman ». Ce qui est par contre certain, c'est qu'aux élections, le SDA s'impose au sein de la communauté musulmane. Mais en Bosnie, il en va de même pour les partis nationalistes serbes et croates dans leurs communautés respectives. Il faut donc s'entendre. C'est pourquoi, au début 91, se constitue un gouvernement de coalition entre les trois partis nationalistes. Le SDA musulman d'Alija Izetbegović, le SDS serbe de Karadzic et le SDZ croate. Ouais, compliqué, hein. Ça ne peut pas durer très longtemps. La Croatie voisine proclame son indépendance. Ouais, elle se sépare donc de la Fédération yougoslave. Alors, que va faire la Bosnie ? Les musulmans du SDA sont partisans de l'indépendance. Mais les Serbes bosniaques s'y opposent. Dès lors, le conflit est inévitable. Au cours du deuxième semestre de l'année 91, malgré le boycott des députés serbes, le Parlement de Sarajevo vote l'indépendance de la Bosnie. Karadzic riposte en créant des républiques autonomes serbes. Et dès le début 92, on assiste aux premiers affrontements ethniques dans la région de Mostar. Et qui a pris l'initiative alors ? Bah, les Croates. Puis c'est le référendum sur l'indépendance de la Bosnie. Le oui recueille 99%. Mais les Serbes se sont abstenus. Et leurs dirigeants ont même prévenu. Si ce référendum se tenait, ce serait un casus belli. Donc on se dirige tout droit vers la guerre. Bon, alors je vais vite parce que c'est un thème que nous avons longuement traité autrefois. La guerre va embraser les républiques de l'ex-Yougoslavie et l'exception de la Slovénie. Bon, enfin, limitons-nous à la Bosnie. En avril 1992, la nouvelle république de Bosnie-Herzégovine est reconnue par l'Union européenne et les États-Unis contre l'avis des Serbes. Et c'est en ce même mois d'avril que commence le siège de Sarajevo. Oui, par les forces serbes. Oui, tandis qu'elles entreprennent parallèlement de procéder à ce qu'on a appelé la purification ethnique dans les territoires bosniaques qu'elles conquièrent. Et ça va très vite. Dès l'automne, on estime qu'elles occupent 70% du territoire de la Bosnie. Et comment expliquer ce succès alors ? Bon, c'est très simple. Les Serbes bosniaques bénéficient du soutien total de l'armée fédérale. Une armée très bien équipée qui dispose d'une quantité formidable de matériel. Les musulmans sont donc en état d'infériorité. Et d'autant qu'ils doivent aussi affronter les Croates qui voudraient bien grignoter un morceau de Bosnie. Ouais, là où vivent leurs nationaux, j'imagine. Évidemment. Mais en 1994, un accord sera signé entre Croates et musulmans. Donc, les musulmans de Bosnie n'auront plus qu'à lutter contre les Serbes. En tout cas, c'est la situation périlleuse dans laquelle se trouvent les Bosniaques qui va susciter un mouvement de solidarité dans le monde musulman. Un élan généreux, mais aussi lourd de dangers futurs. Une solidarité lourde de dangers, a dit Monsieur X. Mais une solidarité très ambiguë. C'est ce qu'explique l'un des meilleurs connaisseurs de la question, Xavier Bougarel. Dans son ouvrage sur le nouvel islam balkanique, il écrit ceci. En effet, dans la stratégie du SDA, le parti d'Izet Begovic, la mobilisation du monde musulman constitue non seulement une ressource propre, en particulier sur le plan financier, mais aussi un moyen de pression sur des organisations internationales telles que l'ONU et sur les États occidentaux eux-mêmes. En cela, recherche d'une intervention occidentale et appel à la solidarité islamique constituent des stratégies complémentaires plutôt qu'opposées. Il en va de même, d'une certaine façon, de la mobilisation des États et des mouvements islamistes qui, en rentrant en concurrence avec les autorités officielles de la Turquie, l'Égypte ou des monarchies pétrolières, forcent celles-ci à manifester leur solidarité dans les arènes internationales ou, en espèces sonnantes et trébuchantes. Izet Begovic a-t-il encouragé les pays musulmans à manifester cette solidarité ? Bien entendu. Il faut remarquer qu'avant même le déclenchement de la guerre, il s'est rendu en 1991 en Libye et en Iran. Il y avait donc déjà chez lui la volonté de rapprocher son pays du monde musulman. D'abord, on doit observer l'attitude curieuse des États-Unis dans cette affaire. Expliquez. Dans un premier temps, le président Clinton, qui vient tout juste d'être élu, déclare que les États-Unis, n'ayant aucun intérêt stratégique à défendre en Bosnie, doivent rester à l'écart. Mais cette position n'est pas du goût des meilleurs alliés de l'Amérique au Moyen-Orient, les Saoudiens. Ceux-ci, en effet, veulent que Washington soutienne les musulmans de Bosnie. Et ça va aller très loin. les Saoudiens vont exercer un véritable chantage. Le chantage à propos de quoi ? Bah, il est alors question d'un gros contrat d'achat d'avions Boeing par Riyad. Ah oui, je comprends mieux. Là. Et si vous ne soutenez pas les Bosniaques, on n'achètera pas vos appareils. Oui, c'est à peu près ça, ouais. Oui. Et les États-Unis finiront par se ranger à ces arguments sonnants et trébuchants ? Bah, bien sûr. Alors au moins jusqu'en 1994, ce soutien restera discret. Car l'ONU a décrété un embargo sur les livraisons d'armes à destination des pays de l'ex-Yougoslavie. Il ne fait nul doute que les Américains ont encouragé des pays musulmans amis à venir en aide aux Bosniaques, en hommes et en matériel. Puis, après 1994, ils franchiront une étape supplémentaire, en fournissant des armes à des pays amis comme la Turquie et l'Arabie Saoudite. Ah oui, alors à charge pour ces pays de les faire passer aux Bosniaques. Tout à fait. C'est donc un détournement de l'embargo. Absolument. Et dans cette mesure, un peu comme ils l'ont fait en Afghanistan quelques années plus tôt, les Américains ont donc contribué à donner un sérieux coup de pouce aux djihadistes qui sont venus combattre en Bosnie. Et c'est donc aussi un soutien indirect à Al-Qaïda, qui, on va le voir, sera de plus en plus présent là-bas. Ouais. Mais quand arrivent les premiers combattants ? Dès les débuts de la guerre, en 1992. Et qui sont-ils, là ? Les premiers sont ceux qu'on appelle les Afghans. Ah oui, parce qu'ils se sont battus contre les Soviétiques en Afghanistan. Et parmi eux, on trouve des Algériens, des Saoudiens, des Égyptiens, ou encore des Soudanais, ou des Yéménites même. Pour tous ces vétérans, la guerre de Bosnie est une sorte d'aubaine. Ah oui, parce qu'ils étaient inactifs. Oui, et pas payés, sûrement. Et parce que le djihad, la guerre sainte, leur manquait. Bon, je plaisante à peine. Ces moudjahidines sont excités à l'idée de défaire les croisés, comme ils disent, au cœur même de l'Europe, afin de défendre leurs frères en religion. Mmh. Ils se battent là dans quelles conditions ? Bon, au début, ils sont incorporés dans certaines brigades de l'armée bosniaque. Mais fin 1993, il est décidé de créer une brigade exclusivement composée d'Afghans, la brigade El Mujahid, ou brigade de Mujahidine. C'est dans cette unité que seront affectés les Français du gang de Roubaix, dont nous avons parlé la semaine dernière. Et a-t-on une idée de leur nombre ? Oui, oui, on estime qu'ils seront entre 4000 et 6000 combattants. Ils sont généralement installés près de la ville de Zenica, en Bosnie centrale. Une région enclavée et difficile d'accès et peuplée principalement de Croates et de Serbes avant-guerre. A noter qu'il existe aussi, établie dans la même région, une brigade islamique. Ne servent que des musulmans bosniaques. Et pourquoi ces brigades sont-elles créées sur des bases essentiellement religieuses à côté de l'armée bosniaque, hein ? Eh bien parce que, manifestement, il existe des rapports difficiles entre toutes ces unités. Les soldats de l'armée régulière n'apprécient guère ces fondamentalistes qui viennent combattre au nom du djihad, comme ils n'apprécient pas non plus leur méthode expéditive. Comment se passe aussi la coexistence avec les populations locales ? Pas très bien. Parce que ces fondamentalistes veulent imposer la loi coranique à leurs voisins. Ah, la charia, hein. Oui, ils obligent donc les femmes à se voiler et interdisent cigarettes et alcool. Je vous l'ai dit, même les musulmans pratiquants voient ça d'un très mauvais œil. Oui, parce qu'ils n'ont pas une conception rigoriste de la religion. Et ils sont d'autant plus irrités que ce prosélytisme s'accompagne de nombreuses exactions. Autre inquiétude. Les villageois ont l'impression que ces moudjahidines veulent s'installer définitivement, puisqu'ils créent de véritables communautés fondamentalistes en faisant venir leurs familles, ou encore des institutions pérennes, comme des camps d'entraînement, ou bien ce centre islamique des Balkans, financé par un comité koweïtien pour la Bosnie-Herzégovine, une organisation qui prône la renaissance de la tradition islamique. Vous n'avez pas parlé de leur chef ? Oh, ce sont en général de redoutables chefs de guerre, car ils ont appris à se battre en Afghanistan. L'émir de la brigade des Moudjahidines, comme on le nomme, est un certain Abdelkader Mokhtari, alias Abu al-Mahali. C'est un Algérien. C'est lui qui a instruit la plupart des membres du futur gang de Roubaix. A noter que plus tard, il sera soupçonné de diriger plusieurs cellules terroristes. Et d'après des informations sûres, il se trouverait toujours en Bosnie. Autre chef, le commandant Abu Abdel Aziz, dit Barbaros. Barbaros. Oui, à cause de sa longue barbe qu'il teint au henné selon une coutume attribuée à Mohamed. Lui aussi, c'est un ancien Afghanistan où il a combattu plusieurs années. Et en manque de djihad, si j'ose dire, il s'est précipité en Bosnie. Je pourrais encore citer Abu Issa El Meki, un Saoudien qui a dirigé un groupe de moudjahidines venus d'Arabie Saoudite. Et puis, naturellement, on trouve parmi ces cadres ou ces chefs de bande des djihadistes plus ou moins proches d'Al-Qaïda. Par exemple ? un Égyptien, comme Talhat Fouad Kassem, alias Abu Talal, un salafiste soupçonné d'avoir participé à l'assassinat de Sadat en 1981, et aussi un porte-parole d'Al-Qaïda, Souleyman Abu Ghaith, ou encore Jamal al-Badawi, impliqué dans l'attaque du navire US Cole au Yémen. Enfin, il est presque certain que Ben Laden lui-même se serait rendu au moins une fois dans la région. Ah ouais, et où plus précisément ? À Tirana, en Albanie, où sous couvert d'une délégation charitable saoudienne, il aurait cherché à recruter des volontaires musulmans pour les groupes d'Al-Qaïda présents dans les Balkans, principalement au Kosovo et en Bosnie. Mais ces redoutables chefs de guerre, là, comme vous l'avez dit vous-même, ont-ils joué un rôle déterminant dans la guerre ? Oui, oui, oui, il faut reconnaître qu'ils se sont battus sans compter. Et beaucoup de combattants y ont perdu la vie. Mais pour eux, bah, c'était mourir en martyr. Hein ? C'est exact. Toutefois, s'ils ont obtenu en plusieurs occasions de notables succès militaires, leur rôle a été aussi psychologique. C'est-à-dire ? Bon, les témoins qui ont assisté à leurs exploits disent qu'ils inspiraient une peur panique à leurs adversaires. Parce qu'ils ne craignaient pas la mort. Et qu'ils montaient au combat en criant « Allah Akbar !» et que leur bravoure n'avait d'égal que leur férocité. Autre question, là, et le nerf de la guerre ? L'argent. Il a été essentiellement fourni par l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, la Turquie, l'Iran et le Pakistan. Et ce financement est souvent passé par les ONG islamiques censées apporter de l'aide humanitaire aux populations. On a aussi dit que ces organisations finançaient des groupes terroristes. Hein. Pour la Bosnie, ces ONG ont été regroupées au sein du Conseil international islamique pour la prédication et l'assistance. L'une des plus importantes et des plus actives a sans doute été le TWRA, acronyme de l'Agence pour l'assistance au tiers-monde. Une association basée au Soudan et liée au réseau terroriste du Tchèque Omar Abdelrahman. Le cerveau du premier attentat contre le World Trade Center. Ça, c'est en 1993. Mais il faut aussi parler de l'Organisation internationale du secours islamique, financée par l'Arabie Saoudite et qui a envoyé près de 800 prédicateurs dans toute la Bosnie. Enfin, on peut également citer Al-Kifa, le combat en arabe, une ONG basée à Zagreb qui, sous couvert de collecter des fonds pour les enfants et les veuves des martyrs bosniaques, s'est occupée surtout du recrutement et de l'acheminement de volontaires pour le front. Détail intéressant pour nous, Français, ce serait par son biais que les futurs membres du gang de Roubaix aurait rejoint la Bosnie. Mais est-ce que les autorités bosniaques, et je pense en particulier au président Izetbegovic, là, savaient que ces combattants appartenaient à une mouvance proche d'Al-Qaïda et en tout cas du mouvement terroriste international ? C'est là toute la question. Car les musulmans bosniaques et ces combattants islamistes ne luttaient pas pour la même cause. Les premiers étaient des nationalistes, tandis que les seconds étaient avant tout des djihadistes qui luttaient pour imposer l'islam. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Richard Labévière, dans son ouvrage « Les dollars de la terreur », donne des précisions sur les structures de recrutement mises en place sous couvert d'ONG islamistes et financées, affirme-t-il, par la branche internationale des frères musulmans. Il poursuit ainsi. C'est par cet intermédiaire que des stages d'entraînement au maniement d'armes et d'explosifs sont proposés à des jeunes des banlieues françaises. Les principaux auteurs de la vague de terreur qui déferle sur Paris et la région lyonnaise durant l'été 1995, Kelkal, Ben Saïd et Ali Touchent, sont issus de cette filière. En effet, hormis une formation militaire classique destinée à court terme aux différents fronts balkaniques, les instructeurs forment les volontaires aux différentes techniques de guérilla urbaine, dont les attentats à la voiture piégée et la confection des tristement célèbres bouteilles de gaz, elles aussi piégées. Délivrées en Bosnie, ces cours magistraux sont filmés. Les cassettes vidéo se retrouvent ainsi à l'étalage de nombreux centres culturels islamiques et mosquées d'Europe. Et la Bévière soutient que les Afghans, continuons à les nommer ainsi, assurent désormais le commandement militaire des anciens réseaux issus de la guerre sainte. Entre leurs sanctuaires historiques afghano-pakistanais et leurs bases avancées en Europe, ils disposent d'une plaque tournante dans les Balkans et même, dit-il, d'un véritable laboratoire bosniaque. L'ouvrage de l'abbé Vierre a été publié par Grasset 2 ans avant le 11 septembre 2001. Alors, quelle est la part de responsabilité du pouvoir musulman bosniaque dans la création de ce foyer terroriste au cœur de l'Europe ? Eh bien, pour être tout à fait franc, je dirais qu'il a joué avec le feu. Durant le conflit, le président Izetbegovic a au mieux fermé les yeux et au pire, encouragé ce mouvement en initiant l'islamisation de la Bosnie. Ce que lui réclamaient d'ailleurs ses sponsors. Et ses sponsors. Oui, tous ces pays du Golfe qui ont au moins versé 1,5 milliard de dollars durant la guerre. Oui, via ces ONG dont vous avez parlé. Bien sûr. Et Izetbegovic ne pouvait pas l'ignorer puisque la TWRA, par exemple, comptait parmi ses dirigeants un certain Hasan Cengic, l'un de ses plus vieux compagnons de route. Cengic, par ailleurs, mufti de Zagreb durant la guerre. Zagreb, qui a été un carrefour essentiel pour l'approvisionnement de la Bosnie en armes et en combattants. Et selon vous, là, Izetbegovic voulait faire de la Bosnie un État musulman ? Ah ben, ça me paraît évident. Il avait déjà placé l'armée et la police sous l'influence de son parti, le SDA, et de la religion. Toutefois, il devait jouer finement. Car s'il devait donner des gages à ses sponsors arabes, il lui fallait aussi éviter de choquer les Européens qui le soutenaient, et donc afficher des positions démocratiques. C'est le grand écart, ça. Oui, en permanence. Et s'il a pu favoriser la ré-islamisation de la société bosniaque, et de l'armée ou des imams, et des assistants aux questions morales et religieuses ont été nommés à tous les échelons de la hiérarchie militaire. Il a aussi su, habilement, faire en sorte qu'on oublie ces initiatives. Mais comment, alors ? Paradoxalement, ce sont des horreurs perpétrées contre les musulmans de Bosnie qui le lui ont permis. Parce que ces atrocités lui ont attiré des sympathies et des opinions publiques dans les pays démocratiques. Et en même temps, à l'intérieur même de la Bosnie, cela renforçait le sentiment d'appartenance à la nation musulmane. Il faudrait alors parler de duplicité. Certainement. Et les exemples sont nombreux. En février 1995, le président Izetbegovic passe en revue la 7e brigade musulmane de Zenica, une vraie parade militaire retransmise par la télévision de Sarajevo. Où est le problème ? Tous les soldats ont le front ceint d'un bandeau frappé d'une sourate du Coran. Et ça a provoqué un scandale au sein de la présidence collégiale bosniaque, qui est multiethnique. Izetbegovic récidivera d'ailleurs en décembre 1995 lorsqu'il rendra publiquement hommage à la brigade El Mujahideen. Décembre 1995, c'est aussi le mois où vont être signés les accords de Dayton. Ça, j'y viens dans un instant parce que ça va avoir d'importantes conséquences. Auparavant, il faut aussi reconnaître que les autorités bosniaques, et donc Izetbegovic lui-même, bien obligé, se méfiaient de plus en plus de ces volontaires venus combattre en Bosnie. En janvier 1994, il y avait d'abord eu un signe précurseur. L'assassinat du chauffeur d'une ONG anglaise à Zenica, un assassinat attribué aux Mujahideen. Même, avez-vous dit, ces combattants se sont rendus coupables de bien d'autres méfaits. Après ce drame, il est apparu évident que la présence des Mujahideen devenait de plus en plus encombrante. Et cette méfiance de la population rejaillissait aussi sur le SDA. Oui, le parti d'Izetbegovic. Et il a donc fallu procéder à une purge au sein du parti. En même temps, des phalanges de Mujahideen ont été désarmées. Seule la 7e brigade a été épargnée. La brigade musulmane. Oui. Et à la suite de la profanation d'un cimetière catholique à Zenica, il a été procédé à des contrôles de police. Des arrestations ont eu lieu parmi les islamistes les plus virulents. Mais c'est évidemment la signature des accords de Dayton qui constitue un vrai tournant. En effet, ces accords de paix signés à Paris, mais largement inspirés par les États-Unis, prévoient que les volontaires étrangers présents, tant du côté bosniaque que serbe ou croate, doivent quitter le territoire de la Bosnie, sous la supervision de troupes américaines chargées de sauvegarder la paix. Mais est-ce que cette mesure-là va être réellement appliquée ? Pas vraiment. Certes, les autorités de Sarajevo procèdent au regroupement des combattants arabes. Mais seuls les individus considérés comme dangereux sont expulsés. Et les autres alors ? Ils se voient attribuer la nationalité bosnienne, en reconnaissance des services rendus à leur nouvelle patrie. Vous avez dit bosnienne là et pas bosniaque. Oui, c'est une question de sémantique qui n'est pas sans importance. Aujourd'hui, tous les citoyens de Bosnie sont des Bosniens. tandis que l'épithète bosniaque ne s'applique qu'aux musulmans de Bosnie. Ah, merci pour l'explication. Et combien sont ces combattants étrangers qui deviennent soudain bosniens? Selon les chiffres officiels, quelques 12 000 personnes auraient été naturalisées pendant ou après la guerre. Et parmi eux, donc, de nombreux moudjahidines. Et les membres de leur famille. Mais ça n'a pas entièrement effacé leur ressentiment. Et d'abord parce qu'on leur a enjoint de rester très discrets. Et ils ont par conséquent l'impression qu'on n'a pas reconnu leur mérite. Et les sacrifices qu'ils ont consentis au combat. Ensuite, il faut bien voir que pour ces salafistes, ces accords de paix s'assimilent à une défaite. Et pourquoi? Ils sont venus en Bosnie pour le djihad. Or, non seulement il est mis fin à cette guerre sainte, mais c'est la Pax Americana qui s'impose. La paix imposée par leur pire ennemi, le grand Satan états-unien. Et ça explique pourquoi ces retraités du djihad ne vont pas couper les ponts avec le terrorisme. Bien au contraire. Selon des sources américaines, la Bosnie aurait continué à accueillir des centres d'entraînement dirigés par des franchisés d'Al-Qaïda. Et vous y croyez, vous ? Selon le rapport du département d'État américain rédigé en 2000, donc avant le 11 septembre, la Bosnie faisait partie des pays dans lesquels Oussama Ben Laden aurait envoyé des instructeurs pour renforcer ses réseaux. Elle est figure à côté de la Somalie, du Soudan, du Yémen et de la Tchétchénie. Et Sarajevo a alors très peur de voir le pays inscrit sur la liste noire du terrorisme international. Mais qu'est-ce qui peut légitimer cette appréciation états-unienne ? Il faut observer que ces ONG islamiques sont restées après la guerre et ont même redoublé d'influence. Bon, certes, elles apportent une aide humanitaire, mais en contrepartie, ceux qui sont secourus doivent adopter une pratique religieuse stricte. Mais là encore, c'est une sorte de chantage. Absolument. Et ce curieux prosélytisme s'observe surtout dans les zones rurales ou les milieux défavorisés. Oui, où il existe des proies faciles. Et où ces mêmes ONG, financées par l'Arabie Saoudite et les autres pays du Golfe, construisent de plus en plus de mosquées. C'est même devenu si visible qu'à la fin 2000, les autorités ont dû procéder à l'évacuation du village de Bocinja en Bosnie centrale, qu'on n'appelait plus que Bocinja la Mujahideen. Mais forcément, c'est le 11 septembre qui va radicaliser la situation. Les services occidentaux s'aperçoivent alors que nombre de terroristes, vrais ou supposés tels, arrêtés un peu partout dans le monde, possède la nationalité bosnienne. Et réaction de Sarajevo, là ? Sous la pression des États-Unis, la Bosnie expulse de nombreux anciens combattants arabes. Même ceux qui ont été naturalisés ? Ah, exactement. Car il faut bien dire que les autorités de Sarajevo se trouvent en fâcheuse posture. D'un côté, elles doivent convaincre la communauté internationale qu'elles coopèrent à la lutte antiterroriste, mais en même temps, elles n'ont pas envie qu'on mette au clair tous les secrets de la guerre. Les secrets de la guerre, c'est-à-dire ? La vérité sur les réseaux clandestins mis en place pour la fourniture d'armes, ou bien encore la compromission du pouvoir avec les islamistes. Car même si les musulmans ne sont plus les seuls à diriger le pays, y a toujours des dirigeants qui ont été impliqués. Et dans leur hâte à vouloir se blanchir, ils commettent parfois des excès. Par exemple, les autorités de Sarajevo ont accepté que 6 anciens combattants algériens vivant en Bosnie soient secrètement transférés à Guantanamo, alors qu'il n'existait aucune preuve contre eux. Mais Washington avait menacé de rompre ses relations diplomatiques avec Sarajevo si ces 6 hommes ne lui étaient pas livrés. Et aujourd'hui, alors, existe-t-il toujours des foyers islamistes et même terroristes en Bosnie ? Certainement, même si les autorités, toujours sous la pression des Américains, essaient de circonscrire cette menace. Dans la région de Zenica, au cœur de cette région où s'étaient installés les Moudjahidines, on trouve encore 60% des combattants djihadistes venus pendant la guerre. Et en février 2010, le pouvoir s'est résolu à démanteler le village de Gornjamaoča, dans l'extrême nord du pays. Une bourgade qui était devenue une place forte salafiste, repliée sur elle-même et qui vivait selon la charia. D'accord, mais n'exagère-t-on pas ce danger fondamentaliste ? Il faut raison garder, c'est vrai. Aussi, pour terminer, je me contenterai de citer un sénateur français, membre d'une mission d'observation de la Commission européenne. Tout juste rentré de Bosnie à l'automne 2012, Jean-Pierre Michel a déclaré à peu près ceci. L'ambassadeur de France, Roland Gilles, observe qu'il existe toujours de vrais réseaux liés à Al-Qaïda. Et il affirme que les menaces islamistes sont de plus en plus nombreuses à Sarajevo et dans les zones contrôlées par les Bosniaques. Et pour vous, c'est une séquelle de la politique ambiguë menée autrefois par Izetbegovic? Ça me semble évident. Pour dîner avec le diable, il faut une cuillère beaucoup plus longue que celle que le président Bastiat avait en main. Prolongement naturel de cet entretien, je vous propose la lecture d'un ouvrage de Marc Trévidic, Terroriste, les sept piliers de la déraison, qui vient de paraître. Le juge du pôle antiterroriste du parquet de Paris y livre ses réflexions et ses interrogations sur le basculement de certains jeunes musulmans dans l'islamisme et bien sûr le terrorisme. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez obtenir d'autres renseignements sur ce programme qui a été préparé par Rebecca de Nantes, réalisé par Michel Billou et illustré musicalement par Monsieur Djoum. Et tout de suite après le flash, c'est Au-delà de mon amour de Denis Chessou. Merci Patrick Pénaud et on parlera samedi prochain de l'affaire de l'uranium nigérien.